La conscience et le matérialisme spiritualiste. À propos de Qu'est-ce que la conscience? De Dominique Laplane, publié chez Dervy en 2018. Dans la difficile et éternelle question de la nature de la conscience, Dominique Laplane développe, depuis une trentaine d'années, une pensée originale à la crête aiguë entre une foi chrétienne assumée et un matérialisme que sa carrière de neurologue a nécessairement nourri. Le dernier ouvrage qu'il consacre à cette thématique tente de concilier ses observations désormais classiques de patients présentant une conscience vide. Ce sont des cas décrits sous le terme de perte de l'auto-activation psychique par Laplane depuis le début des années 80. Et, d'autre part, sa critique des théories matérialistes de la conscience. Pour Laplane, le fait qu'une conscience puisse exister indépendamment d'un contenu de conscience est un argument décisif pour introduire une forme de dualisme, dans la lignée de celle, par exemple, du prix Nobel John Eccles, auteur d'un ouvrage intitulé « Comment la conscience contrôle le cerveau ». Dès lors, la conscience ne saurait se résumer à ce qui le permet cependant, la matière biophysique du cerveau. La critique de Laplane porte sur les prétentions de l'intelligence artificielle à reproduire la pensée humaine, ainsi que sur les modèles contemporains de la conscience, précisément le modèle de Stanislas Dehaene. Pour lui, Dehaene fait une confusion entre la conscience, indépendante des contenus, et les processus attentionnels qui éclairent ceux-ci. De fait, le lecteur admettra qu'il est difficile de distinguer entre attention et conscience, la première permettant l'accès à la seconde. Dans la dernière partie, l'auteur examine ce que les expériences de mort imminente peuvent apporter à la connaissance du sujet. Le sceptique pointe alors en lui, lorsqu'il évacue les théories spiritualistes de ses états, les sujets ne sont pas morts, l'âme ne quitte pas le corps, et rappelle que d'autres situations pathologiques, comme l'épilepsie, peuvent tout à fait reproduire les symptômes allégués.